sur son aile dans le ciel bleu. Je me rappelle tout ce que tu m'avais dit. Oh oh, ce que tu m'as dit, c'est que j'aime à paresser sur les trottoirs, à me raconter des histoires d'amour cruel. Les trois frères, la matinée de plus en plus claire. Je me rappelle de tout ce que tu m'avais dit. Collectionneur maniaque, maniaque par plaisir ou simple goût de ce qui n'existe pas. Tout ce que tu m'avais dit.